chaos. Un précipice béant attendant de nous engloutir. Le chaos n'est pas un précipice. Le chaos est une échelle. Nombreux sont ceux qui échouent en tentant de la gravir et qui n'ont plus jamais l'occasion d'essayer. La chute les brise. Monologue sur le beat en quelques lignes comme la côte, trois anecdotes, histoire d'accorder nos violons. Fuck le bise, normal, j'ai changé de capote, époque, autre souci et de réelles obligations. J'envoie ça qu'il trans sans pression, presque une prise live, presque un freestyle. Pour mes primates, j'ai pris para tout un tas d'histoires de Scarla. Tous les baltringues ont pris mal, je prie pas pour forcer le succès, mais pour atténuer mes fautes graves. Parcours jonché de faux pas, souvent fourré dans de sales draps. Comme mes anciens qui ont chopé des ulcères à l'estomac. J'ai pas fait thune dans la vente de disques, j'en ai pas fait tant que ça dans la vente. J'ai vu mon pote entre quatre planches, une heure plus tard partir ensemble. J'ai vu ta caisse, j'ai vu tes gens, te la raconte pas, j'ai vu ton appart. J'ai vu le manège, le regard des gens, t'as vu la zone, n'y retourne pas. J'ai vu cette fille, c'est pas pour toi, j'ai vu cette fille, c'est pas pour moi. J'ai pas vu ce clip dont tout le monde parle, en vrai je m'en bats les couilles du rap. Je lève la fonte, j'élève la voix, je lève les yeux, tu baisses le regard. Je brûle l'asphalte, reste derrière moi, je dérègle l'ascenseur social, je monte au censure. Normal, sinon mon rap serait bien trop hard. Je fais ce que je veux, je reste le trompe pas, te trompe pas, ne parle pas, t'as rien d'un soldat insortable, c'était le cas d'antan, instoppable. Comme Ghetto Boy Houston, Texas, inclassable, différent de Marseille et Paname. Tu piges pas, c'est pas grave, paraît que je suis sur le school comme les filas, les nastas. Je défile la relève d'être encore là dans 10 ans. Les rageux, les métisants, je vous mets 10 ans, 6 ans. Pour rattraper le retard, rattraper le train, c'est training day every day. Stiglitzek en place comme Denzel Washington, d'ici ou de là-bas. Définitivement d'ici, enraciné dans le salsa. Et 34 entre deux platanes, je mène ma barque.